Le président Raoul Ominga Lemoigné. Système y a confinement. Jonas Ominga. Mav Mavinga. Boss Jojundalo. Nakiba Manananga. Mama pourquoi y'a de sa kingate? Bolingwe nyonga kaboyo. Histoire ya munanga. Neti filmé à aller de long. Pour la terminer à la fin du film. Raison drama. Bacho lingai. Paolo lingai. Yangana yo jamais. Ekozala abumbia. Otambo singa butumo bimba makolongulu. J'ai vu la maison qui abrite les larmes. Toc toc, héritier fongole langa de konakota. Ngabayer, babengani nge baya locataire. Telengani na kifu na nanga na maboko. Retour au village, na bandeli liga bloyo. Yamour, yamour, héritier ska. Yamour, héritier. Corona woyo, tolembi. Elvis Fulama, Sek Eliot Mondobe. Marque de la bête, Salaka 666. Coup de fil à Yahweh, Salaka Jérémy 33-3. 486, ça tchombo la bête, Pimi Frema Rouné. Ah, Paris confinement toujours. Restez chez vous, sauvez les vies. Confinement, aïe aïe aïe. Junior Aziz. Et papa scramé, ça la gagne 0033. Coup de fil à Yende, 00 dans la tête. Diallo Sarkozy, Christian Silla, Orsini Lumene, René Mupemba, Alain Bolenge. Na sali voyage astral, la kena bonne panamio. Na koutane na sabolo balo biozate. Bien le père. Que la na soli si os crema son el naí. Na tumbi ya sana sa la representación na yo. Encarnación na yo e boko a parete. Yo loco na na. Pitié, pitié, pitié. Oh oh, mes frères. Oh vanana na kwe. Bijou vangou la qualité. DG Polo. Junior Mundabi. Adolphe Kabongo la sagesse, Oupe Kinkela, Kikelos, Dodo Bachala, Aziza Bassambi la grande dame, Weston Chimvundo, Joël Bakonga, Patrick Kadogo, Trésor Banza, Mike Kikunda la ville tranquille, Joël Namwanda, Bonale Mapati Ambroise. Si na temple na pelisse ba bouche rouge. L'esprit balobi na ngana bakola un joli soir. O songe la nga Yobo, yobo, yobo ino. Odette, Odette Chibambe. Harry Potter partant prétenga balé magique. Na luka bolingo na nga direct sweke kuna. Presalade ya kale na tapi vola na ye. On dirait à sa complice Yangona Seigneur Sekou. Junior Ngobila, Mav Mavinga, Elvis Galaxy. Chère Sopiboule, Liko Luako Sanga Kouyeba, Komyo Sila Nzotoye. Chère Alela Kope, Nape Kisi Abone Idolochia, Komyo Sila Kakae. Nasonga Nanga Bwala, Naluka Nanga Oya Timbate, Bapetia Kini Misoga. Pakachuma, yeah, yeah, pakachuma. Pakachuma, dodo wechi, pakachuma. Nanyangwa bosele linga maya, pakachuma. Nanyangwa bosele linga ritera, pakachuma. Papi Kusumbi prix Nobel. Pakachuma, yeah, yeah, pakachuma. Pakachuma, yeah, yeah, pakachuma. Nanyangwa bosele linga maya, pakachuma. Nanyangwa posele lingeri tera paka juma. Nanyangwa posele lingeskram na paka juma. Et Charlie Lapaja, Joël Eyoke, Fisto Masila, Arnold Matiki Ova, Edi Makitoche, Yada Ningombo, Pierre Vieille Petinaye, Costa Colère, Chico Mabele Mame, Peggy Jonquet, Valentin Elumba, Ya Horizon Masamba, Lorraine Eyale, DJ Anita Nalion, Héritier Scrama, Angaye, Désiré Toti, Maître Prince Berado de Zamunda. Kifuna na maboko pona yo sonite o. Kifuna na maboko pona yo papi sapo. Kifuna na maboko pona yo tukso de wolo. Kifuna na maboko pona yo pene mungia. Kifuna na maboko pona yo nisha pindi. Sherebe nganinga na motema e wa wa wa. Eske na sala kiloka ayi fere gola. Lord de Masamba Paris Bruxelles. Fabrice Mbemba Alta Moda. Kifuna na maboko pona yo fera fufu. Kifuna na maboko pona yo franke mambaye. Kifuna na maboko pona yo elilu pasu. Sherebe ngani ngai na motema e pepe mbongo. Sherebe ngani ngai na motema e sisi malamba. Sherebe ngani ngai na motema e Francis Bozo. Sherebe ngani ngai ayi Serge Boula. La présidente Indira la brésilienne. Naruto Mila. Pakachuma ye pakachuma. Pakachuma ye Shaggy Musau. Pakachuma Patrick ye Mumbata. Pakachuma Maître Coco Kayudi. Nanyamba posana linga maya pakachuma. Nanyamba posana linga maya pakachuma. Dieu qui bat la carré du souhait. Sherebe ngani ngai na motema awakari. Sherebe ngani ngai na motema lino shimba.